إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. نعم. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 30 dans l'explication du livre Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafat Ashab al-Jahim. Et on est arrivé à la partie 125 dans le livre. Et c'est l'explication avec les commentaires du Cheikh Saleh al-Fawzan qu'on lit, qui s'intitule At-Ta'liq al-Qawim ala Kitab Iqtida Sirat al-Mustaqim. Donc la partie 125, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit « وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ الْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ فِيكُمُ الْيَوْمِ شَرٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ كَانُوا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قلنا وكيف؟ قال أولئك كانوا يخفون نفاقهم وهؤلاء أعلنوه رواه مسلم. Donc c'est un hadith qui est rapporté selon Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhuma. Il dit dans ce hadith que les hypocrites qui sont présents parmi vous aujourd'hui, c'est-à-dire il parle après l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit les hypocrites, les munafiqoun qui sont parmi vous aujourd'hui sont plus mauvais et pires que les munafiqines qui vivaient à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors les gens ont posé la question, comment, hein, comment, c'est quoi la signification de ça? Alors il a répondu, il a dit, Hudhayfa radiallahu anhu a dit, ceux-là, c'est-à-dire à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yukhfuna kanu yukhfuna nifaqahum, c'est-à-dire ils cachaient leur nifaq, hein, ils cachaient leur nifaq. Wa haoulai a'lanouhu, tandis que ceux-là, ils l'ont montré. Hein? Ceux qui sont venus après, les munafiqines qui sont venus après l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont montré leur hypocrisie. Ça, c'est rapporté par l'imam muslim. Cheikh al-Fawzan, il explique ce hadith qui est rapporté, qui est cité par Cheikh al-Islam, et il dit, Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhuma, صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل يقول إن المنافقين المتأخرين أشد على الإسلام من المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لأن المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخفون نفاقهم وذلك لأن الإسلام كان قويا مرهوبا مرهوبا الجانب حين ذاك وقد نزلت الآيات تبين خوفهم فقال سبحانه يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. Donc Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit que Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhuma, était le compagnon du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à qui le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait confié son secret. Hein? Donc, il était le compagnon qui avait le secret du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui avait donné le nom des munafiqin. Il lui avait donné la liste des noms des munafiqin. Et donc, ça, c'était le secret que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui avait confié. Et donc, c'est un noble sahabi. Hein? Et il dit, ce noble sahabi dit que les hypocrites qui sont venus après le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont plus durs contre l'islam et plus mauvais pour les musulmans et pour l'islam que les munafiqines qui existaient à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc les gens ont posé la question à Hudhayfa, pourquoi? Alors il a expliqué que les munafiqines qui étaient à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eux ils cachaient leur hypocrisie. Pourquoi? Parce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam était fort, hein, et les gens craignaient, hein, les munafiqines craignaient la force de l'islam. Et ils craignaient également, parce qu'il y a eu plusieurs versets qui sont venus pour nous dire justement que les munafiqines craignaient que Allah subhanahu wa ta'ala les démasque et les dévoile, hein, et fasse connaître aux gens ce qu'ils cachaient dans leur cœur. Hein? Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, le Cheikh il mentionne le verset 64 dans Sourate At-Tawbah, hein, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ce point-là. C'est le verset 64. Subhanallah. Ça, c'est un verset, les gens, les munafiqines, ils entendaient ça, ça leur faisait peur, parce que ça dit, les hypocrites, les munafiqoun, craignent que l'on fasse descendre sur eux une sourate, leur dévoilant ce qu'il y a dans leur cœur. Donc, ils craignent qu'une sourate soit révélée à leur sujet, qui dévoile ce qu'il y a dans leur cœur et ce qui est caché. Dit, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de dire aux gens, hein, et en particulier aux munafiqins, moquez-vous, c'est-à-dire continuez de vous moquer. Allah fera surgir et fera sortir ce que vous prenez la précaution de cacher. Allah va le faire sortir. Donc le cheikh il dit ensuite, فَلَقَدْ كَانُوا يَخْشَوْنَا نُزُولَ الْوَحِي الَّذِي يَهْتِكُ أَسْتَارَهُمْ وَيُخْرِجُ أَضْغَانَهُمْ أَمَّا الْمُتَأَخِّرُونَ لَمَّا انْقَطَعَ الْوَحِي ضَعْفَ الْمُسْلِمُونَ جَاهَرَ الْمُنَافِقُونَ بِنِفَاقِهِمْ وَلَمْ يَخْشَوْا مِنْ انْكِشَافِهِمْ فراحوا يظهرون نفاقهم غير آبهين فإنما كانوا يخفونه حينما كان للمسلمين سطوة وبأس وأما وقد تغير الحال فراحوا يطعنون في الأحكام الشرعية ويرمونها بالجمود والتأخر ويسبون المسلمين علانية في الصحف والمجلات والإذاعات. سبحان الله. الشيخ الفوزان il est très fort comme ça quand il commence à attaquer et à critiquer les munafiqin qui existent à notre époque. Il les démasque et il les réfute avec des paroles claires. Donc le Cheikh Al-Fawzan il dit, donc à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les munafiqoun ils craignaient la révélation. Ils craignaient la révélation parce que la révélation descendait pour dévoiler qu'est-ce que les munafiqoun cachaient dans leur cœur, hein, et pour enlever le voile qui nous cachait justement la haine qu'ils avaient dans le cœur contre l'islam et les musulmans. Tandis que les hypocrites qui sont venus après, étant donné que la révélation a cessé, bien, les musulmans se sont affaiblis sur ce plan-là, et les hypocrites en profitent pour montrer ouvertement leur hypocrisie et pour parler, pour dire des choses d'hypocrisie, des paroles d'hypocrisie et ainsi de suite. Parce qu'ils ont plus peur qu'on les dévoile avec la révélation. Donc, ils commencent à laisser paraître leur hypocrisie, hein, sans aucune crainte. Et donc, à l'époque, quand ils craignaient les musulmans, quand ils craignaient que la force des musulmans et la force de l'islam, eh bien, ils se retenaient, hein, ils cachaient leur intérieur. Mais la situation est changée maintenant. Et là, ils commencent à attaquer les règles de l'islam ouvertement. Ils critiquent les règles de l'islam ouvertement. Hein? Ils critiquent la charia, ils critiquent les peines islamiques, ils critiquent les règles de la charia sur le mariage, sur le divorce, sur l'héritage, sur yani, les règles au sujet des femmes. Et ils se permettent de critiquer ça ouvertement dans les journaux, dans la télévision, dans les radios, dans les magazines. Hein? Ils parlent comme si rien n'était. Ça, c'est l'attitude des munafiqin à notre époque. Ils insultent les musulmans et l'islam ouvertement. Cheikh Ibn Taymiyyah, il continue dans le point numéro 126, il dit « Wa amma sunna faja'at bil-ikhbar bi-mushabahatihim fi-d-dunya wa dhammi dhalik wa nahi an dhalik wa kathalika fi-d-din fa amma al-awwal alladhi huwa l'istimta'u bil-khalaq fa fi-sahihayni an Amr ibn Awfin radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ba'atha أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء ابن الحضرمي فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافت صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرض له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين فقالوا أجل يا رسول الله فقال أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخاف على أمته فتنة الفقر وإنما يخاف بسط الدنيا وتنافسها وإهلاكها وهذا هو الاستمتاع بالخلاق المذكور في الآية. Donc Cheikh Al-Islam il mentionne que dans la Sunna, donc on a mentionné les versets dans Surat al-Tawbah, dans les versets précédents qui mentionnaient que une partie de cette Umma vont imiter les peuples qui ont précédé. Les Juifs, les Chrétiens, les Perses et les Romains, ça a été clarifié dans les cours précédents. Et dans la Sunna, il y a aussi ce blâme qui a été rapporté dans l'interdiction de leur ressembler, que ce soit dans la religion ou dans le fait de jouir des plaisirs illicites de la vie d'ici-bas. Et ça, c'est la première exemple, c'est al-istimta' bil-khalaq, c'est-à-dire de jouir de la part de cette dunya de façon illicite. Et il mentionne un hadith qui est rapporté par al-Bukhari et Muslim, selon Amr ibn Auf, qui dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a fait envoyer Abu Ubaida ibn al-Jarrah, aminu hadhihi al-umma, vers la région qu'on appelle al-Bahrain. Mais c'est pas al-Bahrain d'aujourd'hui, l'île du Bahrain. D'après ce que j'ai entendu de, si je me souviens de Cheikh al-Fawzan, il disait qu'al-Bahrain c'est la région de al-Ahsa. Ok? Donc, c'est une région où yani, Abu Ubaida avait été envoyé. Et celui qui était amir de cette région à cette époque-là, c'était un sahabi qui s'appelait Al-Ala ibn al-Hadrami. Al-Ala ibn al-Hadrami. Il était l'amir et il avait fait, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait fait une entente de paix avec les habitants de Al-Bahrain. Et Al-Ala al-Hadram ibn al-Hadrami était le dirigeant, celui qui représentait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans cette région-là. Et Abu Ubaida ibn al-Jarrah avait été envoyé pour ramener la jizya, c'est-à-dire ramener la taxe de capitation qui avait été imposée sur les habitants de cette région-là, hein, qui faisait partie des gens du livre. Donc, il leur avait demandé de payer une somme d'argent comme taxe, hein, comme punition du fait qu'ils refusent d'accepter l'islam et qu'ils veulent rester sur leur fausse religion. Donc, il est revenu à Abu Ubaida avec cet argent-là. Et les Ansar, les habitants de Médine, ont entendu que Abu Ubaida revenait avec le butin ou avec l'argent de Al-Ahsa. Et c'est arrivé en même moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait pour faire la prière de Fajr. Donc il a pris, les gens sont venus pour prier le Fajr avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, après avoir terminé la salat, il s'est tourné et eux, ils se sont, hein, quand il est allé pour partir, ils se sont mis devant lui pour essayer de demander des informations au sujet de l'argent qui était arrivé. Hein, il voulait savoir des informations au sujet de la jizya et du butin qui allait être distribué pour les musulmans. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a souri parce qu'il a su que les Ansar avaient appris la nouvelle et ils étaient contents. Hein, ils étaient heureux de ça. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a souri lorsqu'il les a vus. Puis il a dit, je pense que vous avez entendu que Abu Ubaida est revenu avec quelque chose du Bahreïn. Ils ont dit, certes, au messager d'Allah. Alors il leur a dit, réjouissez-vous, hein, parce que vous allez avoir ce que vous souhaitez, hein, et ce qui va vous réjouir. Et il dit, et je jure par Allah que ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous, mais ce que je crains pour vous plutôt, c'est que cette dunya vous soit ouverte comme elle a été ouverte et offerte à ceux qui ont été avant vous, et que vous allez vous disputer et vous compétitionner les uns les autres pour l'obtenir, cette dunya, et puis qu'elle vous fasse périr de la même manière qu'elle a fait périr ceux qui vous ont précédés. Donc c'est pour dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a informé qu'il ne craignait pas la pauvreté pour sa umma, mais il craignait plutôt le contraire. C'est que, au contraire, cette dunya leur soit ouverte complètement, puis qu'ils commencent à se faire la course pour l'obtenir les uns les autres, et qu'elle soit la cause de leur perdition, hein, et qu'ils périssent à cause de celle-ci. Et c'est exactement cette forme de jouissance de la portion de la dunya qui est mentionnée dans le verset qu'on a mentionné dans les cours précédents, le verset le verset 69. Ok, donc c'est la même signification de al-istimta' bil khalaq qu'on a appris dans le verset 69 dans sourate At-Tawbah. Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire très long et très détaillé sur ce hadith. Et il va parler de ce hadith pour presque 4 pages, hein, avec des explications et des commentaires très intéressants et très bénéfiques. Donc Cheikh Al-Fawzan, il dit: وأما السنة فجاءت بالأخبار بمذاهبهم في الدنيا. أي أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت بذم من سلك مسلك الأمم السابقة في الأمرين اللذين ذكرهما سابقا الخوض في العقيدة والعبادة والاستمتاع بالشهوات والانشغال بالدنيا وملذاتها عن الدين ومع ذلك فإن من هذه الأمة من وقع في هاتين المصيبتين العظيمتين. Donc le cheikh il dit donc que Ibn Taymiyyah mentionne ici que dans la sunna il y a la mention du blâme de celui qui suit la voie des nations qui ont précédé dans les deux exemples de ce qu'on a mentionné précédemment, c'est-à-dire premièrement de disputer et de parler à tort et à travers au sujet de la aqidah et dans les questions de l'adoration, c'est-à-dire de ramener des innovations et des bid'ahs, et la jouissance des plaisirs illicites, et de se laisser distraire par les éléments de la dunya, et par les plaisirs de la dunya, et de se laisser éloigner de la religion à cause de ça. Et malgré, il dit le cheikh que malgré ça, dans cette umma, malgré ces avertissements-là, il y en a dans cette umma qui vont tomber dans ces deux grands malheurs. Dans ces deux grands malheurs. La fitna dans la religion et dans la aqida, et la fitna dans les plaisirs illicites et les choses haram. Et donc, le cheikh il dit « Walakin al-musiba »« Walakin musibat al-khawd fi al-aqida ashad min musibat al-istimta'i bil-shahawati wal-maladhat » لأن الخوض في العقيدة يقتضي أحيانا الكفر أو الفسق الاعتقادي وأما الانشغال بالشهوات والملذات وفعل المحرمات فهذا يقتضي الفسق العملي وهو أخف من الفسق الاعتقادي. Qu'est-ce que ça signifie ça? Ça signifie que le cheikh il dit que le malheur qui vient du fait de disputer à tort et à travers au sujet de l'aqida et de ramener des innovations dans l'aqida, c'est plus grave et plus dangereux que le malheur de jouir des plaisirs illicites de yani de la dunya et de chercher les passions et les désirs illicites. C'est plus dangereux de rentrer dans les bid'a dans l'aqida que de jouer des plaisirs illicites. Pourquoi? Parce que le fait de disputer et de rentrer dans les discussions à tort et à travers, dans la aqida et dans les bid'a dans la aqida, ça peut ramener parfois au kufr. Et ça peut parfois ramener à la désobéissance, yani sur le plan de la aqida, le fisq qu'on appelle al-fisq al-i'tiqadi, qui peut faire sortir quelqu'un de l'islam. Parce que si quelqu'un s'égare dans sa croyance et dans sa aqida et dans le tawhid et dans l'iman billah, il peut quitter l'islam et devenir kafir ou mushrik. Hein? Et ça, c'est plus dangereux que de tomber dans les plaisirs illicites et les péchés et de faire des choses interdites dans les passions et dans les tentations de la dunya qui peuvent impliquer une perversité dans les actions, mais qui est beaucoup moins grave par rapport à la perversité dans la aqida et à l'égarement dans la croyance. Parce que quelqu'un qui s'égare dans sa aqida et dans le tawhid par exemple, il risque de sortir de l'islam, il risque de devenir kafir ou mushrik et de rester en enfer pour l'éternité. Tandis que celui qui tombe dans un péché, par exemple, quelqu'un qui boit de l'alcool, qui fait le zina, hein, et qui reconnaît que c'est haram, yani, s'il meurt sur ces péchés-là, il peut toujours être pardonné par Allah, par sa miséricorde, et même s'il n'est pas pardonné, et même s'il ne se repent pas avant de mourir et qu'il n'est pas pardonné, Allah après le, même s'il le fait rentrer en enfer, il ne va pas le laisser pour l'éternité en enfer. Parce que ce n'est pas un mushrik. Hein? Il n'a pas fait de shirk akbar ou de kuf akbar, il a fait un péché, mais ça ne le fait pas sortir de la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans nombreux hadiths l'intercession pour les pécheurs de sa Ummah qui seront en enfer, et que Allah va faire sortir de l'enfer celui qui a même une graine de moutarde de foi dans son cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que même celui qui avait une graine de moutarde de foi dans son cœur, il va sortir de l'enfer. Donc ça veut dire quelqu'un qui avait des péchés, qui a volé, qui a tué, qui a fait de l'injustice, qui a violé, qui a fait de zina, hein, ou qui a fait plein d'autres péchés, tant qu'il n'a pas fait de shirk avec Allah dans l'adoration, tant qu'il n'a pas renié un des piliers de la foi et qu'il est resté mu'min, qu'il est resté muwahid sur le tawhid, il ne va pas rester éternellement en enfer, même s'il rentre en enfer. Il va sortir à un moment donné de l'enfer. Parce qu'il a été fidèle dans la base de sa aqida. Hein? Même s'il a eu des faiblesses ou des péchés ou des fautes, hein, dans ses pratiques ou dans ses actions. Et donc, ça c'est quelque chose de très important, et c'est là-dedans que les Khawarij et les Mu'tazila ont dévié, qui a fait que par la suite ils ont commencé à faire le takfir des musulmans qui font des péchés et à les déclarer kuffar. Et c'est ça la différence entre les gens de, les musulmans d'Ahl Sunnah wal Jama'a et les musulmans de, parmi les égarés qui font partie de la secte des Khawarij et des Mu'tazila, qui font le takfir eux de ceux qui font des grands péchés, ou qui déclarent qu'ils seront en enfer pour l'éternité pour avoir commis des péchés, même s'ils sont sur le tawhid. Ça c'est de l'égarement, hein. Ça c'est de l'extrémisme. Donc le cheikh il dit ensuite: هنا شبهة يريدها البعض فيقول إن الوحي قد انقطع وإنما الآيات كانت إذا نزلت بينت أولئك القوم أما الآن فلا نعرف المنافقين فنقول وإن انقطع الوحي ولكن الذي أوحاه الله بين أيدينا غضا طريا ها؟ ولكن الذي أوحاه الله بين أيدينا غضا طريا وهو لا يخاطب أولئك الذين مضوا فحسب بل يخاطب الناس جميعا حتى تقوم الساعة والمنافقون في كل زمان يظهر نفاقهم في كلامهم وتعرف ولتعرفنهم في لحن القول وفي تصرفاتهم وقد يسر الله من أهل العلم من يقف في وجه هؤلاء المنافقين يكشف أستارهم ولكن كما أسلفنا أن المنافقين يجاهدون بالحجة والبيان. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique ici que comme on a lu la parole de Cheikh Al-Ibn Taymiyyah au début du cours, la première citation, où il mentionne que à l'époque, Hudhayfa a dit que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les munafiqoun étaient moins pires que les munafiqin aujourd'hui, ou ceux qui sont venus après. Que les munafiqin qui sont venus après le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont pires que ceux de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la raison pour laquelle il a mentionné ça, ou l'explication de ça, c'est qu'il a dit que les munafiqin qui viennent après, eh bien, eux, ils n'ont pas peur de la révélation. Parce que la révélation, à l'époque, elle dévoilait ce qu'il y avait dans le cœur des munafiqin. Tandis qu'aujourd'hui, il n'y a plus de révélation. Donc, ils n'ont plus peur que Allah dévoile ce qu'il y a dans leur cœur d'hypocrisie. Mais le Cheikh Al-Fawzan, il clarifie un point ici qui est très important par rapport à ça, à cette question-là. Et ce point, c'est lequel? C'est qu'il y a une shubha que certaines personnes mentionnent. C'est qu'il y en a qui disent la révélation est terminée et les versets qui étaient révélés clarifiaient l'état des peuples de cette époque-là, c'est-à-dire de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'aujourd'hui, on ne peut pas connaître les hypocrites. Parce que ce n'était pas à propos des hypocrites d'aujourd'hui que les versets sont révélés, mais à propos des hypocrites de l'époque. Et aujourd'hui, la révélation est arrêtée. On n'a plus de révélation nouvelle. Donc le cheikh il dit, même si on n'a plus de révélations nouvelles, nous on peut leur répondre en disant que le Coran, il est parmi nos mains, hein, entre nos mains. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle pas seulement des peuples qui ont précédé, et pas seulement des gens qui vivaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il nous parle également de tous les hommes qui vont vivre jusqu'à la fin des temps, et il nous décrit leur situation et leur état. Donc, les hypocrites, à toute époque, eh bien, on peut reconnaître leur nifaq par leurs paroles. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit ça dans le Coran, puisqu'il nous dit وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ dans surat Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et vous allez les reconnaître par leur façon de parler. Par leur façon de parler, vous allez reconnaître les munafiqins. Tu vois des gens qui se disent musulmans, puis qui disent le contraire de ce que Allah dit dans le Coran, et le contraire de ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans la sunna authentique, et qui nie ce que Allah affirme, et qui affirme ce que Allah nie, et qui exprime leur haine et leur rejet ouvertement de ce que Allah a révélé dans le Coran, et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans la sunna, et puis ils disent on est musulmans. On est musulman. Donc comment tu peux dire que tu es musulman alors que tu détestes ce que Allah a révélé et que tu détestes ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans la sunna? Hein? Et donc c'est quoi la différence entre toi et les ennemis de l'islam si tu détestes ce qui est révélé dans le Coran et dans la sunna? Ça fait pas de sens. Et donc, on voit ça apparaître de la façon dans la bouche de certains. Des fois, c'est par rapport à leur ignorance. C'est-à-dire qu'il y en a des gens qui ont une haine pour des choses qui sont dans le Coran et dans la Sunna parce qu'ils ne connaissent pas l'islam, ils ne connaissent pas le Coran, ils ne connaissent pas la Sunna. Et donc, ils détestent ce qui est dans le Coran et dans la Sunna par ignorance. Eh bien, cette catégorie-là, c'est sûr qu'on ne va pas dire d'eux que ce soit des koufars ou des munafiqines qui sont sortis de l'islam. Hein? Il faut leur enseigner, il faut les apprendre. Hein? Il faut leur apprendre. Mais des gens qui ont connu l'islam, qui ont étudié ou qui ont appris les versets du Coran et les hadiths et qui comprennent et qui après expriment de la haine pour la sunna et pour les choses qui sont dans le Coran, c'est grave. Et tu vois des gens aujourd'hui qui détestent même le tawhid. Ils se disent musulmans et détestent même la base de l'islam qui est le tawhid. Si tu leur dis la ilaha illallah et que tu leur expliques qu'est-ce que ça signifie, que tu ne dois pas adorer les tombes, que tu ne dois pas adorer les morts, que tu ne dois pas adorer les saints, que tu ne dois pas leur faire le tawaf, que tu ne dois pas leur sacrifier des animaux, que tu ne dois pas leur faire des vœux, eh bien, ils commencent à te détester. Ils te traitent de wahhabi. Et ils commencent à dire que, toi tu déclares la umma kuffar, hein, parce que tu interdis le shirk. Et pour eux, l'islam, c'est le shirk. Donc si tu interdis le shirk, pour eux, tu rends les musulmans kuffar. Inch'Allah al-afiyah. Et ils disent que tu n'aimes pas les hommes pieux, que tu as de la haine envers les hommes pieux, puis que celui qui n'aime pas les hommes pieux, c'est un kafir. Il y a des paroles d'absurdité, d'ignorance de la part de ces gens-là. Et il y en a parmi ces gens-là donc, qui détestent le tawhid et qui détestent la sunna. Quand tu les appelles à arrêter de faire des bid'ah et tu leur dis cessez de faire des bid'ah, laissez tomber les groupes de bid'ah, laissez tomber les hizbiyin, laissez tomber les sectes, laissez tomber les gens qui appellent à l'égarement, et tu les vois commencer à te détester à cause de ça. Ils te détestent parce que tu critiques leur symbole ou leur référence. Hein, si tu critiques un innovateur ou un égaré, ils commencent à te détester à cause de ça. Donc, ils te détestent pourquoi? Parce que tu défends la sunna. Hein? Mais si tu défendais la bid'a, ils t'aimeraient. Et si tu défendrais le shirk, ils t'aimeraient. Ils feraient de toi un héros. Donc ça, c'est des exemples de ce genre de, d'attitude complètement ridicule, absurde, contradictoire de la part de certains. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il ne nous a pas dit, il ne nous a pas seulement parlé des munafiqins de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il nous a décrit certaines caractéristiques, certaines façons d'agir, certaines façons de parler, qui sont des caractéristiques des hypocrites à toutes les époques, et tu peux les reconnaître par ces caractéristiques-là. Il y a des formes de caractéristiques de nifaq qu'on appelle nifaq amali, des formes de nifaq dans les actions, et qui ne font pas nécessairement sortir de l'islam. Quelqu'un peut faire des péchés faire ce genre de péché-là et toujours être un musulman. Toutefois, c'est un musulman qui a des péchés, qui a une foi faible, mais il est toujours mu'min, même s'il a une forme de nifaq asrar ou une forme de nifaq amali. Tandis qu'il y a d'autres formes de nifaq qui sont des formes de nifaq akbar, des formes d'hypocrisie majeure, qui sont mentionnées par des exemples clairs dans les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et dans l'exemple de qu'est-ce que Allah a dit à leur sujet dans le Coran. Donc on peut les reconnaître par leurs paroles, par leurs actions. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a facilité de la part des hommes de science, des savants qui se tiennent devant les munafiqines et qui dévoilent ces munafiqines avec leur science. Donc alhamdoulillah, il n'y a pas une époque où on ne pourra pas reconnaître ou savoir qui sont les hypocrites, puisque à chaque époque il y aura toujours des ulamas, des héritiers des prophètes qui vont nous enseigner qu'est-ce que c'est le nifaq et qui sont les munafiqines, et qui vont se tenir et vont faire face et tenir tête aux munafiqines et les démasquer et les dévoiler et les réfuter et nous faire savoir la vérité de qu'est-ce qui est faux, comme on l'a mentionné précédemment sur le fait que le djihad contre les munafiqines, c'est un djihad qui se fait avec les arguments et les preuves et la science, et c'est un djihad qui est fait par les savants et non pas avec les armes comme pour le djihad contre les kuffars. Le cheikh il dit ensuite وَقَدْ كَانَ من سمت النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلطف في دعوته وكان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا لأن المقصود هو التنبيه على الخطأ لا تجريح الأشخاص لأن أسلوب الحكمة أدعى للقبول وأدعى للمخطئ أن يتراجع عن خطئه وحضا عن الستر على المخطئين والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة فلا فائدة في ذكر الشخص المخطئ وإنما الفائدة في ذكر الخطأ ورده فالمقصود التنبيه على الأخطاء وعلى المذاهب الباطلة والمناهج المنحرفة وتفنيد شبهاتها دون أن نذكر فلانا وفلانا فهذه طريقته صلى الله عليه وسلم في الدعوة. Donc le cheikh ici il explique, il dit que il faisait partie des manières du prophète صلى الله عليه وسلم que il devait être doux dans sa façon de faire la da'wa, et que lorsqu'il voulait critiquer des gens, parfois il disait: qu'est-ce qu'un tel et un tel a à dire telle ou telle chose, ou à faire telle ou telle chose, sans mentionner le nom de la personne. Donc qu'est-ce qu'il disait? Il disait parce que le but c'est de mentionner l'erreur et non pas de blesser la personne qui a fait l'erreur elle-même. Et il dit que ça fait partie de la sagesse, que pour que quelqu'un accepte plus facilement la critique, que tu mentionnes pas son nom, mais que tu vas juste mentionner l'erreur elle-même pour que la personne accepte l'erreur qu'elle a faite et qu'elle revienne de son erreur. Et c'est pour inciter également à couvrir la personne qui a commis l'erreur, et donc pour pas l'humilier publiquement ou bien faire savoir à tout le monde son erreur publiquement. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui couvre un musulman, Allah subhanahu wa ta'ala va le couvrir dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Donc il n'y a pas de bien, il n'y a pas de bienfait, il n'y a rien de bénéfique à mentionner une personne qui commet une erreur, hein, à mentionner son nom ou à dire son nom. Mais qu'est-ce qui est bénéfique? C'est de mentionner l'erreur et de la réfuter. Et l'objectif, c'est de mentionner cette erreur et de mentionner les fausses voies et les méthodologies déviées et de réfuter ces ambiguïtés-là sans mentionner un tel ou un tel. Il dit ça, c'est sa voix, c'est-à-dire la voix du messager sallallahu alayhi wa sallam dans sa da'wah. Il y a des hezbiens qui en, comme on lit des passages comme ça, il y a des gens de bid'a qui vont lire ça, ils vont être contents parce qu'ils vont dire ça veut dire qu'il faut jamais dire le nom des égarés ou qu'il faut jamais critiquer des innovateurs en mentionnant leur nom. C'est pas ça que Cheikh Al-Fawzan il veut dire. Il parle d'une façon générale que c'était ça la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans d'autres paroles de Cheikh Al-Fawzan, il clarifie et il spécifie que lorsque c'est nécessaire de mentionner le nom, il faut le mentionner pour mettre en garde contre un individu en particulier qui propage de l'égarement et qui égare les gens et que les gens continuent à l'écouter malgré tout. Dans ce cas-là, il faut mettre en garde contre la personne son erreur et mettre en garde contre elle en mentionnant son nom pour que les gens sachent que c'est une personne qui est dangereuse et pour qu'ils puissent s'écarter d'elle pour éviter justement de y s'égarer. Et certaines personnes, ils ont tendance comme ça à malheureusement à juste chercher des paroles des ulama qui sont générales et globales pour les mettre de l'avant pour dire après aux salafis et aux gens qui suivent la sunna, ah mais regardez, vous dites que vous êtes salafis, regardez les ulama qu'est-ce qu'ils disent. Ils disent il ne faut pas mentionner les noms, il ne faut pas critiquer les gens, il faut les couvrir et ainsi de suite, et vous les dévoilez et vous ne les couvrez pas et vous contredisez les paroles des ulama. C'est pas ça, c'est pas vrai. C'est parce qu'il faut voir chaque parole des savants dans son contexte. Si un savant il a dit une chose dans un contexte et une autre parole dans un autre contexte, eh bien, il ne faut pas penser que c'est une contradiction. Il faut comprendre que le cheikh, il parle d'un contexte spécifique. Et cette parole, elle s'applique dans ce contexte-là. Si c'est une parole qui est générale, ça s'applique de façon générale. Mais des fois, il y a des règles qui sont plus spécifiques. Et dans ce cas-là, le contexte s'applique dans des situations spécifiques. Et il ne faut pas prendre un verset puis le frapper avec l'autre, ou un hadith est frappé contre le verset, ou bien frapper les paroles des ulama les unes contre les autres. Hein? Parce que j'ai traduit une fatwa, par exemple, de Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là, et dans cette fatwa, il dit clairement que si quelqu'un appelle à des égarements, il faut avertir contre lui et mentionner le nom. Donc si je te ramène maintenant cette fatwa de Cheikh Al-Fawzan contre l'autre fatwa que toi tu mentionnes, tu vas dire quoi? Cheikh Al-Fawzan, il a dit une parole une journée, mais il a oublié le lendemain ce qu'il avait dit. Et il se contredit comme ça à chaque fois? Non, il ne se contredit pas. Mais dans un contexte, il dit ça, et dans un autre contexte, il dit ça. Et il n'y a pas de contradiction entre les deux. Et vous allez voir, parce que même dans qu'est-ce qu'il va dire après, il va détailler là-dessus. Donc le cheikh, il dit, « وَقَدْ يَمُوتُ صَاحِبُ الْفِكْرِ الْمُنْحَرِفِ ولكن يبقى مذهبه ومنهجه ومؤلفاته فلا بد ومؤلفاته فلا بد من مواجهة الفكر المنحرف بالحجة والبيان لا أن نواجه الشخص نفسه أما إن ذكرناه من باب التعزير فإن هذا له باب معروف وتارة يكون الإنكار باللوم والعتاب وتارة يكون بالإخراج من المجلس وتارة يكون بالضرب وتارة يكون بالعزل من الوظيفة وهذا يلجأ إليه عند الحاجة وقد أمر الإمام مالك رحمه الله بإخراج ذلك الرجل الذي سأل عن قول الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فالإمام مالك رحمه الله قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا رجل سوء فأمر به فأخرج من الحلقة فهذا من باب التعذير إذا اقتضى الأمر ذلك. Donc le Cheikh Al-Fawzan il dit c'est possible que l'innovateur ou la personne qui a une pensée déviée elle meurt et que sa voie ou sa méthodologie et ses livres restent après lui. Il continue à créer de la déviation et de l'égarement même après sa mort. Alors il faut absolument dans ce cas-là réfuter et clarifier l'égarement de la pensée de cet égaré-là. Non pas d'attaquer la personne elle-même, mais d'attaquer. Il dit, en ce qui concerne ce qu'on a mentionné, il dit, ça c'est dans le sens de la punition. On veut le punir et on veut le. Ta'zir, ça veut dire quoi, ta'zir? Ta'zir, c'est quand on punit quelqu'un par une punition ou par une peine, lorsqu'un juge donne à quelqu'un une peine qui n'a pas été, disons, déterminée par la charia en détail. Comme par exemple, il y a des peines qui sont établies dans la charia pour des crimes spécifiques. Et c'est une punition bien définie. Comme la lapidation, comme la lapidation pour celui qui fait l'adultère. Ou bien la flagellation, les coups de fouet pour celui qui fait la fornication, par exemple. Ou bien couper la main du voleur. Ou bien, quoi d'autre encore? Il y a plein d'exemples comme ça. Donc, il y en a des peines spécifiques pour des crimes spécifiques. Mais il y a d'autres crimes qui sont moindres que ceux-là et qui reviennent au juge de déterminer la punition qui correspond au crime dans ce péché-là. Comme par exemple, si la police ou les gens qui travaillent dans les pays musulmans pour ordonner le bien, interdire le mal, ils marchent dans la rue. Puis il trouve un homme avec une femme en train de, par exemple, de s'embrasser. Ils ne les ont pas trouvés en train de faire le zina. Donc ils vont pas les lapider, ils peuvent pas les lapider. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils n'auront pas une punition du tout? Non, ça ne veut pas dire ça. Le juge peut décider qu'ils méritent quand même une punition. Ils peuvent avoir, par exemple, un nombre de coups de fouet ou un nombre de jours de prison. Ou bien des trucs comme ça, pour qu'ils ne vont pas le refaire, et pour que les gens sachent que celui qui est trouvé en train de commettre un péché, qu'il ne va pas être laissé comme ça, il va avoir quand même quelque chose qui va lui faire réfléchir au mal qu'il a fait, d'accord? Donc, ça c'est ce qu'on appelle ta'zir. Et pour les gens de Bid'a, il y a différentes formes de ta'zir aussi. Et ça peut être de différents degrés selon la gravité de l'égarement de la personne. Donc le cheikh il dit, ça c'est un autre domaine qui est bien connu, que tu peux parfois mentionner le nom de la personne et blâmer l'innovateur ou lui faire des reproches. Et ça c'est une forme d'inkar, de dénonciation et de condamnation de ce que cette personne fait. Parfois, ça peut être que tu le chasses de l'assemblée. Tu lui permets pas de s'asseoir dans l'assemblée avec les autres ou dans un dars. Tu sais que c'est un égaré, un innovateur. Il rentre ici et il commence à s'asseoir. Il vient s'asseoir pour écouter. Tu lui dis, toi, sors. Même des fois, tu peux dire un innovateur qui est connu. Tu dis, toi tu viens plus ici dans cette mosquée. t'es banni de cette mosquée. Tu peux faire ça. Et il y en a qui disent, ah mais comment tu peux empêcher quelqu'un de rentrer dans la maison d'Allah, hein? C'est pas à toi la mosquée, c'est à Allah. Hein? Et on est responsable de veiller aux maisons d'Allah. Hein? Et on ne va pas laisser quelqu'un qu'on connaît comme étant un égaré, qui appelle à l'égarement, venir propager et appeler à les autres à son égarement si tu sais qu'il appelle à l'égarement. Non. Hein? Donc ça c'est un exemple. Et il dit parfois même, les juges peuvent décider qu'il soit frappé. Hein? Qu'il soit frappé ou qu'il soit, qu'il reçoive des coups de bâton ou des coups de fouet. Parfois, il peut être même expulsé de son travail. Le juge, dans un État islamique, peut dire, celui-là, il est expulsé de son poste. Il ne va plus travailler dans ce travail. S'il a un emploi d'influence ou un poste d'influence, hein, et ainsi de suite. Tout ça, c'est des choses qui existent dans la charia d'Allah et qui font partie des règles de la sagesse de l'islam pour protéger la pureté de la croyance islamique dans la société musulmane et pour éviter que n'importe qui appelle à n'importe quoi sans qu'il y ait de surveillance ou d'ordre ou de choses claires. Et donc le cheikh il a donné l'exemple de l'imam Malik rahimahullah lorsqu'il a expulsé un homme de son assemblée lorsqu'il était en train d'enseigner. Un homme est rentré et il lui a récité le verset 5 dans surat Taha, Ar-Rahman wa ala l'arsh istawa. C'est-à-dire le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. Comment s'est-il élevé? Alors l'imam Malik a dit, l'élévation c'est connu, on connaît sa signification, mais le comment est inconnu. Et la foi en cela est obligatoire. Et la question à son sujet est une innovation. C'est-à-dire de demander le comment de Allah, comment il s'est élevé au-dessus de son trône. Ça, c'est une innovation de demander ce genre de questions-là parce que on rentre dans le domaine du rêve et de qu'est-ce qu'on ne connaît pas. Alors, il a dit, je ne te vois que comme étant un homme mauvais. Et il a ordonné qu'on l'expulse de l'assise et de l'assemblée, hein, et du cercle. Et donc ça, c'était dans le but de le punir, hein, et de faire de lui une leçon pour les autres, hein, et pour que les gens sachent, ça c'est l'attitude de l'imam Malik envers l'innovateur, et qu'il laisse pas n'importe qui comme ça poser ce genre de questions, puis que les gens vont prendre ça comme un exemple, puis vont continuer à le faire après. Donc l'imam Malik, il voulait fermer la porte à ce genre de personnes et à ce genre de questions. Alors il a donné à cet homme une punition exemplaire en l'humiliant et en le chassant, hein, de cette façon-là. Après le cheikh il dit wa amma qawluhu fa amma al-awwal alladhi huwa al-istimta' bil khalaq fa fi sahihayn ay anna hadha al-hadith dalil min as-sunnah ala annahu sayahsul fi hadhihi al-ummah man yastamti'u bi khalaqihi يعني بنصيبه من الدنيا وهذا بدا واضحا في حديث أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى البحرين والمراد هجر وهي بلاد الأحساء وكان النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم على أن يدفعوا ما شرطه عليهم من المال فلما علم الأنصار بقدوم عبيدة أبي عبيدة ومعه الأموال جاءوا مسرعين في آخر الليل وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ولم يكن من المعهود أن يأتوا بهذا الكثرة في هذا الوقت فهذا يدل على مدى حب الإنسان للدنيا وحب وحتى ولو كان من أقوى الناس إيمانا فلا يلام المرء على محبة المال فالإنسان مجبول على محبتها فقال سبحانه وتحبون المال حبا جما ولكن يلام إذا أسرف في ذلك وقدمها على الآخرة وضيع حقوق الله. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne le fait de jouir de notre part de la dunya dans les plaisirs illicites, comme c'est rapporté dans As-Sahihain, Al-Bukhari et Muslim, c'est-à-dire le hadith de Abu Ubaida ibn al-Jarrah, le cheikh il dit ça, c'est une preuve de la sunna, que dans cette umma, il y a des gens qui vont être tentés par la dunya et qui vont jouir de façon illicite de cette dunya. Hein? Et c'est-à-dire al-khalaq, c'est-à-dire la part de la dunya. Et le cheikh il dit, et ça c'est clair dans le hadith de Abi Ubaida ibn al-Jarrah, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait envoyé au Bahreïn, et c'est la région de Al-Ahsa. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait une entente de paix avec les gens de Al-Ahsa pour c'est-à-dire qu'ils devaient respecter les conditions de cette entente de paix, et parmi les conditions de cette entente de paix, c'est qu'ils doivent payer une certaine somme d'argent aux musulmans, hein, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les Ansar ont su que Abu Ubaida revenait avec de l'argent, alors ils se sont précipités à la fin de la nuit pour venir. Ils ont prié le Fajr avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors que ce n'était pas l'habitude qu'il y ait autant de gens à cette heure-là. Hein? Et le cheikh il dit, ça c'est la preuve que l'homme il aime la dunya. L'homme il aime la dunya. Et le cheikh il dit, même s'il est parmi les gens les plus forts dans sa foi, mais il aime la dunya quand même. Parce que l'homme il est créé avec cet amour en lui, et c'est quelque chose de naturel. Donc le cheikh il dit, on blâme pas quelqu'un parce qu'il aime la dunya. C'est pas quelque chose qui est blâmé dans l'islam, que quelqu'un aime la dunya. Mais il est blâmé lorsqu'il dépasse la limite d'Allah, la limite permise dans les affaires qui ont rapport avec la dunya. Soit dans la façon de l'obtenir, l'argent, par le haram, ou la façon de l'utiliser dans le haram. Dans ce cas-là, c'est blâmable. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans le verset 20 dans sourate Al-Fajr, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّ, et vous aimez les biens et la richesse, l'argent, d'un amour énorme. Donc c'est pour dire que c'est quelque chose qui n'est pas blâmé en soi, mais c'est lorsque tu vas abandonner et négliger les droits d'Allah pour la dunya, là ça devient blâmable. Après le cheikh il dit, والمقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم لما راهم تبسم وعجب ويعني عجب من حرص بني ادم على الدنيا والتبسم يعني الضحك الخفيف وكانت هذه عادته صلى الله عليه وسلم ان ضحكه التبسم واذا بالغ ذلك بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام وما كان يقهقه بالضحك. Donc le cheikh il dit, le but de ça c'est d'expliquer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque lui il les a vus, il a souri, hein, et il a été étonné de l'effort que donne le fils d'Adam pour obtenir la dunya. Hein, son désir de la dunya. Donc il a souri. Et quand on dit sourire, c'est-à-dire un rire léger, un sourire. Hein? Et ça, c'était l'habitude du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'était ça son rire. Le rire du messager d'Allah, c'était un léger sourire. Et quand c'était le maximum de son sourire, c'était quoi? C'est quand il souriait et on voyait apparaître ses dents, ses molaires. On voyait ses molaires, hein, tellement il souriait. Et ça, c'était la limite de son rire, mais il ne faisait jamais de son en riant. Il ne riait pas comme en faisant du al-qahqaha, comme on appelle en arabe, al-qahqaha. Non, il ne riait pas comme ça. Il riait en souriant seulement, sans faire de bruit. Et il dit, فلما رأى هذا الحرص بشرهم وقال أبشروا. Quand il a vu cette désir de leur, pour la dunya, cet effort pour la dunya qu'ils ont fait, il leur a annoncé de se réjouir. Réjouissez-vous, il a dit. Ay amilu wa intaziru al-khayr, c'est-à-dire ayez l'espoir, un bon espoir, et continuez à attendre le bien. فلن أبخل عليكم بشيء فيه خير لكم ولا أخشى عليكم الفقر أي عواقبه فإن الفقر فيه مصلحة بخلاف الغنى لأن الفقر إن ابتلي به يتواضع ويسكن وينشغل بطلب قوته فلا يخشى عليه من الطغيان فالفقر فيه مصلحة من ناحية أنه يكسب الإنسان التواضع ويكسبه القناعة بما آتاه الله ولكن الخشية من كثرة المال لأن المال يطغي كما قال الله جل وعلا كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى فالغنى فيه خطورة شديدة وهذا الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن تبسط عليهم الدنيا يعني وفرة المال فإن ذلك فيه خطر لأنه يحمل الإنسان على الطغيان وطلب الزيادة وعلى الميل إلى الشهوات وهو الاستمتاع بالخلاق الذي حذر الله منه والرسول صلى الله عليه وسلم. Donc il dit, qu'est-ce qu'on veut dire ici, c'est que il leur a dit, donc réjouissez-vous, je ne vais pas faire preuve d'avarice envers vous, de quoi que ce soit qui est bon pour vous, et je ne crains pas pour vous la pauvreté. Il dit, c'est-à-dire les conséquences de la pauvreté. Parce qu'il dit que la pauvreté, dans la pauvreté, il y a un bienfait, contrairement à la richesse. Il dit que la pauvreté, si quelqu'un est éprouvé par la pauvreté, il devient humble et il est tranquille. Et il s'occupe à rechercher sa force. Et il dit, le cheikh, que donc, on ne craint pas de la transgression de sa part. C'est-à-dire, celui qui est pauvre, on ne va pas craindre de sa part de la transgression. Parce que dans il dit, la pauvreté, il y a un bienfait sur le plan de l'être humain, parce qu'il devient humble et il va être satisfait de ce que Allah lui a donné. Mais on craint plutôt de la richesse et de grandes quantités de biens, parce que c'est ce qui fait que l'homme devient transgresseur. Et Allah, Azza wa Jal, il mentionne le verset 6 et 7 dans Surat Al-Alaq, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, yani, kalla inna l'insana la yatra arra'ahu stagna. Et ça, c'est la sourate que les gens appellent Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie. Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse. Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse. Quand l'homme devient riche, commence à avoir de l'argent, pense, ça y est, j'ai plus besoin d'Allah, j'ai plus besoin de rien. Je me suis fait à moi-même, deviens rebelle, transgresseur. Kalla inna l'insana la yatra arra'ahu stagna. Donc la richesse, c'est dangereux, très dangereux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a craint cette richesse pour sa ummah. Il a craint que les biens et la richesse soient trop facilement accessible pour la Umma et que ça devienne un danger ou une source de danger pour les croyants, pour les musulmans. Et que ça amène l'homme, parce que ça amène l'homme à transgresser et à chercher à avoir toujours plus et à pencher vers les tentations et les désirs illicites dans la dunya et à jouir de notre part de cette vie d'ici-bas en faisant ce que Allah nous a averti de ne pas faire, ainsi que son messager. ثم قال عليه الصلاة والسلام فتنافسوها كما تنافسوها يعني تتسابقون إليها كما فعلت الأمم قبلكم لا سيما اليهود والنصارى فإذا فعلوا حصلت الشحناء والخصومات والمنازعات بسبب هذه التنافس فالتنافس على الدنيا يسبب فشل هذه المحاذير التي ذكرنا لأجل ذلك كانت خشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خشية رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فإن ثمرة هذا التنافس هي الهلاك فيجب على المسلم أن يحذر إن رزقه الله مالا ووسع عليه أن لا يحمله هذا الغنى على الانغماس في الشهوات والملذات كما حصل للأمم قبله بل يستعمله في طاعة الله. Donc le cheikh il dit que dans le hadith le prophète صلى الله عليه وسلم il dit ensuite que vous allez vous faire la compétition les uns les autres dans la dunya comme les autres avant vous c'était fait la compétition les uns les autres et c'était fait la course les uns les autres pour obtenir la dunya. C'est-à-dire que vous allez vous faire la course pour obtenir la dunya comme les juifs et les chrétiens en particulier l'avaient fait avant vous. Et une fois que vous commencez à faire ça, eh bien, il va y avoir entre vous de l'animosité et des disputes et des conflits à cause de cette course. Parce que, donc, il dit la course pour la dunya, c'est ça ce qui amène à l'échec et qui ramène toutes les choses négatives que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné et nous a mis en garde à son sujet, yani de la perdition. Et donc c'est pour ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a eu peur de ça pour la Umma, parce que le fruit de cette course c'est la perdition et il est obligatoire pour le musulman de craindre que si Allah lui donne de la subsistance ou des richesses et qu'il lui ouvre les portes de l'argent et de la richesse, que cela l'amène à se noyer dans les désirs illicites et dans les péchés, dans les plaisirs, comme cela s'était produit aux nations qui ont précédé. Mais plutôt, il doit essayer d'utiliser cette richesse et tout ce que Allah lui donne pour يعني l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez par exemple tout ce qui est arrivé par exemple dans les pays arabes dernièrement, surtout comme les manifestations puis les renversements, tout ça c'était pour la dunya. Tu vois, des gens qui criaient on veut de l'argent, on veut du travail, on veut ci, on veut ça, tout ça c'est pour la dunya, Donc le cheikh il dit, parce que c'est comme ça les gens, ils disent « Ah, oh, mais les dirigeants, ils ont tout l'argent, ils ne donnent pas d'argent au peuple, ils ne donnent pas ci au peuple, ils ne donnent pas ça au peuple. » Et après, les gens, ils prennent les armes, ils se révoltent contre les dirigeants. C'est ça l'exemple qu'est-ce qu'on appelle « al-halak », la perdition. Et on le voit maintenant. Donc, il dit « Fa'ala al-muslimin, an la yaq'adu an talab al-risq, fa'innana lam naqul » أن الفقير يقعد ولا يطلب الرزق بل قلنا إن الفقر لا يكون فيه مثل ما في الغنى من الطغيان فالواجب على العبد أن يطلب الرزق فالله أمر بطلب الرزق وما ذكر هو من باب المقارنة بين الغنى والفقر ومن باب التحذير من الانهماك والحرص على الزائد والحرص الزائد على طلب الدنيا ولكن المطلوب أن نعمل لأجل أن يغنينا الله عن الناس وهذا في حق الأفراد وكذلك في حق الدول الإسلامية. Donc le cheikh il dit les musulmans, ça ne veut pas dire qu'ils doivent rester puis arrêter de chercher leur subsistance et arrêter de travailler, non. On n'a pas dit que le pauvre là, il reste assis puis il ne cherche pas à avoir de l'argent ou à travailler, non. Mais qu'est-ce qu'on veut dire, c'est que le pauvre, si tu regardes par rapport à la richesse, il est moins dans la transgression que le riche. Et ça ne va pas être une cause pour lui, la pauvreté va pas être une cause qui va le pousser à tomber autant dans la transgression. Même si à notre époque, parfois, certains pauvres aussi tombent dans la transgression, parfois. Mais il dit que le cheikh dit, l'obligation pour le serviteur, c'est qu'il demande et qu'il recherche sa subsistance d'Allah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de rechercher sa subsistance. Et ce qu'on a mentionné, c'était juste par une comparaison entre la richesse et la pauvreté, dans le but de mettre en garde contre le fait de se noyer et de chercher la vie d'ici-bas avec un désir excessif. Hein? Un désir excessif de la dunya, exagéré. Mais on doit chercher à travailler dans le but que Allah nous enrichisse pour qu'on se passe des gens. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin, on devient autonome et indépendant des autres. Pas besoin de tendre la main aux gens. Et ça, c'est sur le plan des individus, de même que sur le plan des États et des pays musulmans, eux aussi, qu'ils travaillent pour ne pas avoir besoin des autres États et des autres pays, en particulier des pays non musulmans. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفيك بركة.